Les funérailles de Poème par Émile Verhaeren, enregistré pour LibriVox.org par Camisole. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Les funérailles. Voici 8 jours qu'a trépassé le vieux fermier qui, rond par rond, thésaurisa dans un sommier tant d'or et tant d'argent que son énorme bière semblait lourde d'écus quand on le mit en terre. La cloche a vacarmé longtemps en son honneur, et les notes battues leur danse en ton mineur. Mais aujourd'hui, ses 4 fils offrent à boire, tant que l'on veut, pour qu'on se saoule à sa mémoire. Dans leur maison, ils ont rangé 30 tonneaux pour des gosiers beaux et clairs. Tels des anneaux, et prétendant que tous aient une part des fêtes, ils ont donné du sucre et de la bière aux bêtes. Les servantes et les valets, quittant le deuil et les 4 porteurs du colossal cercueil, et le fossoyeur borgne et les enfants de messe, sont conviés, avant tout autre, à la kermesse. Puis les parents les plus proches et les cousins, ceux qui furent les vieux amis et les voisins, et tels qui sont gaillards et savoureux de derme, sont invités dûment parce qu'ils sablent ferme. Et depuis l'aube, on trinque, à grand broc étamé, dans la salle la plus large, volet fermé, porte close, tandis que juin gerce de rides, dehors les champs ardents et les polders torrides. La fête étant vouée uniquement aux morts, on boit sans bruit, on boit sans cri. Si l'on boit fort, et l'ivresse plombant les fronts de somnolence, bientôt l'on boit et l'on se saoule en plein silence. Ils sont là, tous, face à face, vagues et lourds, les mains moites, les doigts gauches, les regards gourds, les pieds allongés droits sous la table de chêne, et seul, le hoquet gras debonde leur bedaine. Le fossoyeur éructe et croît du fond d'un trou lancé d'un an profond, un bloc de terreau mou. Le jeune enfant de messe avec des mains terrettes lampe d'un coup son broc ainsi que les burettes. Les gros porteurs assis côte à côte, le dos bien que fruste, et géants ployés sous des fardeaux d'ivresse et de sommeil, rêvent que leurs épaules jonglent avec des morts au fond des nécropoles. Un cousin pleure, ainsi qu'un toit que pluie et vent raflent d'automne, et tout son corps est comme un van, sonnant et sanglotant que la douleur secoue, jusqu'à faire égoutter les larmes de sa joue. Seuls d'entre tous, les fils ne semblent point navrés, ils ont les goussets lourds et les orgueils lustrés. Ils sont comme des coqs debout sur l'héritage, et c'est à coups de bec qu'ils feront le partage. Ils se sentent déjà maîtres du bourg, et ceux dont on craindra le geste et le signe des yeux, aussi pour affirmer leur droit indubitable, l'un d'eux met un tas d'or comme un poing sur la table. L'étonnement est si rouge et fervent que tous, bien que mornes, hagards, béants et comme fous, devant ce bloc soudain sorti de son armoire, le verre en main, la bouche ouverte, oublient de boire. Et qu'il faut le rappel d'un porteur de cercueil pour ranimer en eux le jovial orgueil de décanter au fond des bedaines la lave d'ivresse et de fureur qui bout encore en cave. Fin de Les funérailles.